moi tu verras. Tu veux du mal, tu le paieras. Je fais un plan, je suis en serrage. Je dis tout le monde, je crois que c'est l'âge. Je mets en mode avion mon téléphone. Je sors même plus, je vois plus mes fans. Toi-même, tu sais, mon place résonne. Je suis comme une rose, t'étonne pas si un jour je fane. Je me rappelle, on était tard, ben. À fumer sur le pétard. Hein. Au tiers qu'on se faisait des calls. Hein. Un peu plus tard, on se sépare. J'ai tourné avec ma moto, visière fumée pour éviter les photos. Qu'est-ce qui t'arrive, on s'aimait mon poteau. Maintenant tu me juges sur ma couleur de peau. 360 chevaux sous le capot. Dans ma ville les petits années jouent les capots. J'suis dans ma piscine, j'm'envoie des saltos. J'travaille les pecs, j'ai plus trop les abdos. J'me promène, malgré les problèmes. J'vois trop de haine, j'suis pas ma pote si trop même. J'me promène, malgré les problèmes. J'vois trop de haine, t'es pas ma pote si trop même. J'te plus I'm sorry, pas avoir du vice comme dans Secret Story. J'ai rien à faire si pareil sur moi, tu fais de Secret Story. Tout le monde parle sur tout le monde, tout le monde fait des poussettes, ça devient horrible. Tu veux me tester, mais tu crois bien qu'on n'est pas de la même catégorie. Marseille, c'est chaud, gros, faut donner avec un gilet pare-balles. J'viens loin, mon gros, à dire que je fais danser toute l'Europe. Quand ça touche, j'fais plus d'efforts. J'frappe au sac et j'reprends des forces. Quand j'droite tes gauches, ouais j'décoche. Ça me bloque, ouais faut que j'me défauche. J'mets le pare-soleil sur le côté. J'prends encore mille évitentés. J'vois plus de gens que j'ai aidés. Revenez pas si j'finis blindé. Et mon anniv, j'ai même pas fêté. Après deux, trois verres, j'ai trop pété. Si un jour on meuble le rap, j'prends mes potes et on va péter. J'suis trop fort de caractère. Toi t'aimerais me voir à terre. Qu'est-ce que ça photo, j'ai pas que ça à faire. Même pliqué dans de sales affaires. Si m'en veulent, je la rambe pas. Je respire les flics, je les arrose pas. Je suis le même, ne déconne pas. Sur ma vie que vous savez pas. Chaussettes, claquettes. En temtem sur l'autoroute à 7. Virage, je le mets par terre. Je le lève, je sais toucher la bavette. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine. C'est pas ma faute si trop même. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine, c'est pas ma faute si trop même. Je te blesse, I'm sorry, pas avoir du vice comme dans Secret Story. J'ai rien à faire si pareil sur moi, tu fais de Secret Story. Tout le monde parle sur tout le monde fait des poussettes, ça devient horrible. Tu veux me tester, mais je crois bien qu'on n'est pas de la même catégorie. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine, c'est pas ma faute si trop même. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine, c'est pas ma faute si trop même. Je te plais, I'm sorry, pas avoir du vice comme dans Secret Story. J'ai rien à faire si pareil sur moi, tu fais de Secret Story. Tout le monde parle sur tout le monde fait des poussettes, ça devient horrible. Tu veux me tester, mais je crois bien qu'on n'est pas de la même catégorie.